Et moi, lui dis-je, si tu fais encore les affaires d'Égypte de cette manière-là, je ferai si bien que tu ne recommenceras plus. Ah, Ouida, es-tu en Rome pour me commander? Le bon, il le trouve bon. Qu'as-tu à y voir? Ne devrais-tu pas être bien content d'être le seul qui puisse dire être mon minchoro, mon caprice? Qu'est-ce qu'il dit? Demanda l'anglais. Il dit qu'il a soif et qu'il boirait bien un coup, répondit Carmen. Et elle se renversa sur un canapé en éclatant de rire à sa traduction. Monsieur, quand cette fille-là riait, il n'y avait pas moyen de parler raison. Tout le monde riait avec elle. Ce grand anglais se mit à rire aussi, comme un imbécile qu'il était, et ordonna qu'on m'apporta à boire. Pendant que je buvais, vois-tu cette bague qu'il a au doigt, dit-elle. Si tu veux, je te la donnerai. Moi, je répondis, je donnerai un doigt pour tenir ton milord dans la montagne. Chacun un maquila au poing. Maquila? Qu'est-ce que cela veut dire? Demanda l'anglais. Maquila, dit Carmen, riant toujours, c'est une orange. N'est-ce pas un bien drôle de mot pour une orange? Il dit qu'il voudrait vous faire manger du maquila. Oui, dit l'anglais. Eh bien, apporte encore demain du maquila. Pendant que nous parlions, le domestique entra et dit que le dîner était prêt. Alors, l'anglais se leva, me donna une piastre et offrit son bras à Carmen comme si elle ne pouvait pas marcher seule. Carmen, riant toujours, me dit, mon garçon, je ne puis t'inviter à dîner. Mais demain, dès que tu entendras le tambour pour la parade, viens ici avec des oranges. Tu trouveras une chambre mieux meublée que celle de la rue du Candelero. Et tu verras, si je suis toujours ta Carmencita. Et puis, nous parlerons des affaires d'Égypte. Je ne répondis rien, et j'étais dans la rue que l'anglais me criait « Apportez demain du maquila !» Et j'entendais les éclats de rire de Carmen. Je sortis de sachant ce que je ferais. Je ne dormis guère. Et le matin, je me trouvais si en colère contre cette traîtresse que j'avais résolu de partir de Gibraltar sans la revoir. Mais, au premier roulement de tambour, tout mon courage m'abandonna. Je pris ma natte d'orange et je courus chez Carmen. Sa jalousie était entr'ouverte, et je vis son grand œil noir qui me guettait. Le domestique poudré m'introduisit aussitôt. Carmen lui donna une commission, et dès que nous fûmes seuls, elle partit d'un de ses éclats de rire de crocodile et se jeta à mon cou. Je ne l'avais jamais vue si belle, parée comme une madone, parfumée, des meubles de soie, des rideaux brodés, ah ! Et moi, fait comme un voleur jeté. « Minchoro, disait Carmen, j'ai envie de tout casser ici, de mettre le feu à la maison et de m'enfuir à la Sierra. » Et c'était des tendresses, et puis des rires. Et elle dansait, et elle déchirait ses falbalas. Jamais singe ne fit plus de gambades, de grimades, de diableries. Quand elle eut repris son sérieux, « Écoute, me dit-elle, il s'agit de l'Égypte. Je veux qu'il me mène à Ronda, où j'ai une sœur religieuse. Ici, nous vous éclats de rire. Nous passons par un endroit que je te ferai dire. Vous tombez sur lui, pillez, rasibus. Le mieux serait de l'escoffier. Mais, ajouta-t-elle, avec un sourire diabolique qu'elle avait dans certains moments, et ce sourire-là, personne n'avait alors envie de l'imiter, sais-tu ce qu'il faudrait faire? Que le bon paraisse le premier. Tenez-vous-en un peu en arrière. L'écrevisse est brave et adroit. Il a de bons pistolets. Comprends-tu? Elle s'interrompit par un nouvel éclat de rire qui me fit frissonner.